إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 3 dans l'explication du livre du Cheikh Muhammad ibn yani c'est l'explication de l'aqida du Cheikh de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah et c'est le charh l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan de cette aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dans le cours passé, on a expliqué les 6 piliers de la foi. On a fait l'introduction et les 6 piliers de la foi et yani comme on sait tous les questions qui ont, les 6 piliers de la foi, il n'y a pas grand monde parmi les musulmans qui sont en contradiction avec le fait qu'il y a 6 piliers. Hein. Tout le monde est d'accord qu'il y a 6 piliers de la foi en général. Mais le problème commence quand on rentre dans les détails de certains d'entre ces piliers-là. À partir du moment où on rentre dans les détails de certains de ces 6 piliers-là, on voit que c'est là qu'il commence à apparaître certaines contradictions de la part de certains groupes ou de certaines sectes qui se prétendent musulmanes, ou bien qui sont musulmanes mais qui ont des déviations, ou qui font partie des groupes de bid'a et des groupes d'égarement. Donc souvent vous entendez parler des gens qui parlent de l'islam et qui disent « ouais, tous les musulmans, on est tous unis, il n'y a pas de divergence dans l'aqida » et ils mentionnent les 6 piliers de la foi. Donc ça, les 6 piliers de la foi, alhamdoulilah, il n'y a personne qui diverge sur le fait qu'il y a 6 piliers de la foi. S'il y a quelqu'un qui diverge là-dessus, alors là c'est clair qu'il est égaré. Toutefois, quand on rentre dans les détails, comme je disais tout à l'heure, des questions qui ont rapport par exemple avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en Al-Qadar et certains autres piliers de la foi, on voit que là on commence à noter qu'il y a certaines contradictions et certaines déviations. Et en particulier dans le premier des piliers de la foi, c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose parfois qui étonne certaines personnes. Lorsqu'on observe cet aspect-là, on dit mais comment ça se fait que dans le premier des piliers de la foi, le plus important d'entre tous les piliers, des gens ont pu diverger ou s'égarer dans une question aussi importante. Hein? Eh bien oui, c'est étonnant, c'est vrai, des fois on se demande comment ça se peut, mais c'est la réalité. On voit qu'il y a des gens qui ont dévié dans cette question-là, qui est une des questions les plus importantes dans l'islam. Donc on va voir c'est quoi l'aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, l'aqida des salaf à ce sujet-là, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est expliqué dans les mots et dans les termes des paroles du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab lorsqu'il explique lui-même quelle est sa aqida. Et on va donc comprendre que l'aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab à propos de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'aqida des salaf, c'est l'aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et on va voir ça clairement dans ce qui suit. Donc, le Cheikh, il commence cette partie-là en disant, وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهِ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ. Ce qui signifie, et parmi les choses qui font partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la foi, le fait d'avoir l'Iman en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de lui-même et ce qu'il s'est donné comme attribut pour lui-même dans son livre, Et de même que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna. Qu'est-ce qui est venu de la langue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on doit y croire. On doit croire en tous ces noms et ces attributs sans faire de tahrif, sans faire de ta'til, sans déformer le sens des mots, ou sans déformer les mots eux-mêmes, et sans nier la réalité de ces attributs-là. Le Cheikh il dit, Cheikh Saleh al-Fawzan, il explique cette phrase. Il dit, فَمَنْ جَحَدَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ الْإِيمَانَ الصَّحِيحِ وَهَذَا رَدٌ عَلَى الْمُعَطِّلَةِ الَّذِينَ عَطَّلُوا الْإِيمَانَ ولما ذكر أركان الإيمان لما ذكر أركان الإيمان بين ما يدخل في الأول وهو الإيمان بالله أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات فمن جحد الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا بالله الإيمان الصحيح وهذا رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فمن من غير تحريف ومن غير تعطيل التحريف هو التغيير أي تغيير الألفاظ أو تغيير المعاني هذا هو التحريف تحرف الألفاظ بأن يزاد فيها أو ينقص مثل استوى قالوا استولى وهذا تحريف لفظ حيث زادوا حرفا ومن تحريف المعنى تفسير الاستواء بالاستيلاء وتفسير اليد بالقدرة وتفسير الوجه بالذات وهو من تحريف الكلام أو هو من هذا من تحريف كلام الله عز وجل قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه وقوله ومن غير تعطيل التعطيل هو جحد الأسماء والصفات وإخلاء الله منها donc le Cheikh explique maintenant il dit lorsque le Cheikh a mentionné les piliers de la foi il a expliqué ce qui rentre dans le premier pilier de la foi c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et il a expliqué yani que parmi les choses qui font partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-iman bil-asma'i wa-sifat, c'est-à-dire de croire en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque renie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala d'une foi qui est correcte. Et ça c'est une réfutation de ce qu'on appelle les mu'attila, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ils n'ont pas cru au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, parmi les choses qui font partie donc de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut croire en les noms et les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, sans faire de tahrif et sans faire de ta'til. Et quand on dit le tahrif, ça veut dire de changer ou de déformer la réalité des mots ou la réalité des significations de ces attributs-là. Donc, il ne faut pas rajouter rien aux termes et aux mots qui sont utilisés dans la révélation à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne faut pas non plus changer ou déformer la signification et le sens de ces attributs-là. Donc le Cheikh il explique ensuite, il dit qu'il y a deux façons, il y a deux formes de tahrif si on regarde les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la déformation des termes, des mots, et la déformation de la signification. Donc le Cheikh, il donne un exemple des deux cas. L'exemple de la déformation dans le mot lui-même, et dans le terme, c'est lorsqu'on ajoute ou qu'on enlève une lettre au mot, qu'on essaie de le changer, le mot lui-même. Comme par exemple, « istawa », ils ont dit que ça signifiait « estoula ». Et ils ont rajouté une lettre dans le mot, c'est la lettre « lam ». C'est « estoula », parce que le mot « estawa », ça s'écrit en arabe avec le « alif »,« sin »,« ta »,« waw » et « alif maqsoura ». Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après le waouh, ils ont rajouté le lam pour que ça fasse istawla. Donc ça, c'est une forme de tahrif dans le mot lui-même parce qu'ils ont rajouté une lettre. Et bien entendu, ça change la signification. Donc c'est une forme de tahrif dans le mot et dans la signification également. Et c'est pour ça que le cheikh, juste après, il mentionne un exemple de tahrif dans la signification et il donne comme premier exemple le fait qu'ils ont interprété al-istiwa par le terme istila, c'est-à-dire au lieu de dire istawa, ils ont dit istawla. Et istawla, bien entendu, ça a une autre signification que istiwa. Parce que al-istiwa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est monté au-dessus de son trône, ou bien s'est élevé au-dessus de son trône, tandis que le mot istawla, ça veut dire qu'il a conquis le trône, ou qu'il a repris le pouvoir du trône. Et donc ça, c'est deux significations totalement différentes. Et ça, c'est une forme de tahrif dans la signification. Il donne également comme exemple les gens qui déforment l'interprétation ou la compréhension de la main. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a une main, et eux, ils l'interprètent en disant que ça veut dire la force. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a un visage, hein, al-wajh, et eux, ils l'interprètent en disant que ça veut dire non pas un visage, mais plutôt Allah lui-même. Donc ils disent que quand Allah il dit qu'il a un visage, il parle de lui-même et non pas d'un visage réel. Il n'a pas un visage, c'est en réalité qu'il veut dire lui-même et non pas son visage. Et tout ça, ça fait partie des formes de tahrif dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça à propos des Juifs justement dans le verset 46 dans sourate An-Nisa où il dit « يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ » c'est-à-dire à propos des Juifs, il dit qu'ils déforment les paroles de leur contexte. Hein, ils déforment les paroles de leur contexte. Et il mentionne ensuite l'autre aspect, التحريف, et il a parlé de التحريف, maintenant il parle de التعطيل, c'est-à-dire sans faire de التعطيل. Donc on croit à ses attributs et à ses noms, à Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de ta'til également. Et ta'til, ça veut dire de nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien d'en nier une partie, hein, et de les vider de leur sens, ou bien de les retirer, hein, de retirer Allah, ou d'enlever à Allah ses noms et ses attributs. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il continue son explication, et il continue à expliquer quelle est sa aqidah en disant ce qui suit. « بَلْ أَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَلَا أُنْفِي عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا أُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا أُلْحِدُ في أسمائه وآياته ولا ألحد في أسمائه وآياته. Donc le cheikh il explique ici, il dit je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et il dit je ne nie rien de ce que Allah a mentionné pour se décrire lui-même, et je ne déforme pas la parole de son contexte, et je ne dénature pas ses noms et ses signes. Maintenant, il explique, par la suite, il dit, Al-Mu'allif, l'auteur, Rahimahullah, il croit, ça c'est les paroles de Cheikh Saleh Al-Fawzan, on va les lire en arabe en premier, le Cheikh dit, Al-Mu'allif, Rahimahullah Ta'ala, يعتقد ما دلت عليه هذه الآية, لأنها ميزان ميزان في جميع الأسماء والصفات ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وإن كانت أسماؤه تشترك مع أسماء المخلوقين في ألفاظها ومعانيها لكن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتها فالاشتراك في اللفظ وأصل المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة والكيفية كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في هذا رد على المعطلة فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات السمع والبصر فدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه. قوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي وهو السميع البصير هذا فيه إثبات، نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. Donc le cheikh il dit, l'auteur, rahimahullah, il dit qu'il croit en ce verset, le verset 11 dans Sourate Shura, « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir » Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et le cheikh il dit, il mentionne ce verset parce que c'est la balance par laquelle on peut établir, et c'est la règle ou la balance ou la règle par laquelle on peut comprendre tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Donc même s'il y a on peut dire que il y a dans les noms que Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour se décrire lui-même, même s'il y a quelque chose, il y a le mot qui est en commun, ainsi que une certaine signification qui est en commun entre les noms qu'Allah utilise pour se décrire et les noms de les attributs de certaines créatures. Donc même si les créatures ont certains noms en commun avec certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les mots qui sont utilisés, de même que dans les significations, il y a certaines significations et certains noms qui sont des noms qui sont en commun entre Allah et sa création, mais ça n'implique pas du tout qu'il y ait une ressemblance. Il n'y a pas de ressemblance dans la réalité de ces attributs-là et dans le commun, dans la description et dans le commun de ces attributs-là. Donc, la chose qui est en commun, c'est uniquement, c'est uniquement dans le mot lui-même et dans la base de la signification, d'accord, dans l'origine de la signification. Mais toutefois, ça n'implique pas du tout qu'il y ait un rapport ou un lien entre la réalité et le commun de ces attributs-là. Donc, comme le cheikh explique ici, c'est comme, pour donner un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a deux mains. Et nous, les êtres humains, on a des mains aussi, on a deux mains. Donc, le mot, c'est le même mot qui est utilisé par rapport à l'attribut de la main, c'est le même que ce pour Allah et pour la créature. Et à la base de la signification de la main, c'est la même signification. Sauf que dans la réalité de l'attribut, il n'y a aucune ressemblance. De même que dans le commun, il n'y a aucune ressemblance également. D'accord? Donc la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est totalement différente de la main des créatures. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Et le commun de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est totalement différent de celui des créatures. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc il ne peut pas y avoir aucune ressemblance entre Allah et sa création. Et ça c'est exprimé dans le verset, car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc ça c'est la récitation des gens qui nient les attributs d'Allah parmi les mu'attilah. Et quand on parle des mu'attilah, ça inclut tous ceux qui ont renié quelque chose des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit ceux qui ont nié tous les noms en entier et les attributs aussi, comme les Jahmiyyah, ou que ce soit les Mu'tazila qui ont nié uniquement les attributs mais qui ont affirmé les noms, ou bien que ce soit les Asha'ira et les Maturidiyya qui ont nié la plupart des attributs, excepté 7, et qui ont affirmé les noms. Hein? Donc ça c'est différents degrés parmi ces gens-là, mais ils font tous partie de ce qu'on appelle Al-Mu'attila, puisqu'ils ont tous rejeté quelque chose des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, le verset 11 dans Surah Shura, il nie la ressemblance entre lui et sa création. Et il affirme toutefois les noms et les attributs. il affirme les noms et les attributs comme qu'il est audient et qu'il est voyant. Donc il a al-sam' et al-basar, c'est-à-dire il a l'ouïe et la vue. Et donc ça, ça prouve que le fait d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'implique pas du tout une ressemblance, n'implique pas du tout un tashbih, hein, de ressemblance entre Allah et sa création. Le cheikh dit donc, laysa kamithlihi shay, ça c'est la négation, il faut nier toute ressemblance entre Allah et sa création, et wa huwa as-sami' al-basir, ça veut dire, ça c'est l'affirmation. Il faut affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'est affirmé lui-même. Et donc, on nie la ressemblance et on affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il explique la suite de la aqidah du cheikh Muhammad Abdul Wahhab. Il dit, wala unfi anhu ma wasafa bihi nafsah. C'est-à-dire, je ne nie rien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme attribut pour lui-même. Contrairement à ce que font les mu'attila. Les mu'attila, eux, ils nient les attributs que Allah a utilisés, hein, pour se décrire lui-même. Wa qawluhu wa la ulhidu al-ilhadu fil lugha al-mail. Al-ilhadu fil lugha huwa al-mail. Wal-ilhadu fil asma'i wa sifat huwa al-mail biha an madluliha ila madlulin batil. Katafsir al-wajh bil-zat. واليد بالقدرة أو النعمة وهكذا، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يلحدون يعني يميلون بها، إما بجحدها كما فعلت المعطلة، وإما بتشبيهها بصفات خلقه كما فعلته الممثلة، وإما بالزيادة عليها شيئا لم يثبته الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما بجعلها أسماء للأصنام كاللات والعزى إلى آخره. هذا القسم الثاني من الضلال في أسماء الله وصفاته الممثلة، زادوا في الإثبات وغلوا في الإثبات ولم يفرقوا بين صفات الله وصفات خلقه ولا بين أسمائه وأسماء خلقه، هؤلاء مشبهة والعياذ بالله. ولهذا قال أهل العلم: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. فقولهم المعطل يعبد عدما لأن الذي ليس له أسماء وصفات عدم، والممثل يعبد صنما من البشر لأنه جعل الله مثل البشر، تعالى الله عن ذلك. Le cheikh il explique ensuite, il dit, donc il explique la parole à la suite, car le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit: وَلَا أُلْحِدُ فِي أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ. Et je ne fais pas d'ilhad dans ses noms et dans ses signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-ilhad en arabe, ça veut dire al-mail, c'est-à-dire de s'incliner ou de pencher vers quelque chose, ou de, yani dans le sens contraire de quelque chose. Et al-ilhad dans ce sens-là, quand on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire de s'écarter ou de se pencher de la signification correcte et de la vérité. Hein. Parce que quand on parle du mot ilhad en arabe, souvent les gens utilisent le mot ilhad pour décrire ou pour définir qu'est-ce qu'on appelle en français l'athéisme, c'est-à-dire ceux qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, la réalité c'est que le mot ilhad c'est beaucoup plus large que uniquement l'athéisme ou de nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut l'appliquer même pour quelqu'un qui nie une seule attribut ou qui déforme la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh est en train de l'expliquer. Voilà, ulshidu, hein, ça veut dire donc de pas s'écarter de qu'est-ce qu'indique ou de qu'est-ce que signifie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, d'essayer d'interpréter le visage par l'être, par Allah lui-même, en disant que le visage c'est Allah lui-même, c'est pas le visage. Ou de dire que la main, c'est pas la main d'Allah, mais c'est la puissance d'Allah ou la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc ça, c'est des formes de, c'est des déformations de la réalité des significations de ces attributs-là, et c'est de déformer, c'est de déformer le sens et de les déformer de leur contexte, hein, et de les déformer de leur sens réel. Donc le cheikh, il mentionne le verset 40 dans Surat Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, ceux qui dénaturent nos signes et qui les déforment, ils ne nous échappent pas, ils ne peuvent pas nous échapper. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, la yakhfawna alayna. Ils ne peuvent pas se cacher, ils ne peuvent pas s'échapper. Et yulhidun dans ce verset-là, c'est le verbe de tahrif. Hein, oh, non, pardon, de ilhad. Yulhiduna, ça vient de al-ilhad. Et ça veut dire quoi? Il se penche, ou bien il se penche et il se penche, c'est-à-dire il s'écarte, hein, de la réalité ou de la vérité par rapport au nom et par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit en niant ces attributs-là, comme les mu'attila le font, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien soit en faisant quelques ressemblances entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création, comme les mumassila. Les mumassila, c'est une autre catégorie. Donc il y a les mu'attila et il y a les mumassila. Ok, al-mu'attila, c'est ceux qui nient, et al-mumassila, c'est ceux qui font at-tamthil, ok, ceux qui font des ressemblances. Et al-mu'attila, c'est ceux qui font at-ta'til, qui nient les attributs ou qui vident les attributs de leur sens ou qui les nient. Et le cheikh, il dit que les mumassila, c'est ceux qui rajoutent quelque chose qui n'a à Allah, que Allah ne s'est pas affirmé pour lui-même, de même que le messager sallallahu alayhi wa sallam, soit par exemple en donnant des noms d'Allah aux idoles, comme les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient fait, en disant Al-Lat ou Al-Uzza, okay, ils ont mis ces noms-là, les noms d'Allah au féminin, Al-Aziz et Allah, ils l'ont mieux féminin, Allah. Donc ça, c'est des exemples comment ils ont dénaturé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit que cette deuxième catégorie-là, ce qu'on appelle les mumassila, sont des gens qui sont également sont eux aussi des égarés au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle al-mumassila, ça vient de al-tamthil. Et ça, c'est les gens qui ont exagéré dans l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point de dire qu'il n'y a aucune distinction entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs de sa création. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de différence entre les attributs et les noms d'Allah et les attributs et les noms des créatures. Donc ceux-là, on les appelle des mushabbiha. Et souvent, vous allez rencontrer des gens de bid'a, que ce soit les gens du groupe des ahbash, la secte qu'on appelle les ahbash, hein, ou bien les gens qui suivent la secte des asha'ira ou des maturidiyya, hein. Donc ceux-là, c'est des gens qui appellent les salafis. Ils les traitent de, ils les appellent des wahhabiyya, en voulant dire que on suit Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ils accusent Muhammad ibn Abdul Wahhab d'anthropomorphisme. Hein, vous avez aussi les égarés du site qui s'appelle aslama.com. Hein, dans ce site-là, vous avez aussi ces gens-là qui défendent la aqida des asha'ira et qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui les défendent de leur sens réel. Donc ces gens-là font partie de ce qu'on appelle les Asha'ira, où ils prétendent suivre les Asha'ira, et donc ils accusent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de faire partie de ceux qu'ils appellent les anthropomorphistes. Toutefois, quand on leur demande qu'est-ce que c'est un anthropomorphisme, hein, la plupart d'entre eux ne savent même pas qu'est-ce que ça signifie un anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, ça signifie quoi? Ça signifie de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs humains. De donner à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs humains. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a jamais fait ça. N'a jamais donné à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs humains. Donc, on ne peut pas attribuer cette, on ne peut pas dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est un anthropomorphiste. Et non seulement ça, il l'accuse de faire le tashbih, et de faire le tamthil, ou de faire le, qu'est-ce qu'ils appellent, al-tajsim. Hein, tout ça, c'est des termes qu'ils utilisent pour qualifier, pour accuser les salafis, et ceux qui suivent la voie des salafs, hein, parmi les ulama de l'islam. Maintenant, c'est bien facile de voir que ces gens-là sont des ignorants, parce que si vous leur demandez de donner des exemples de tamthil, ils ne savent pas. Et si ils pensent que c'est d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les noms et les attributs qu'il s'est donné lui-même, que si on fait ça, on est des mumassila, ou on est des mujassima, ou on est des mushabbiha, ou bien qu'on est des anthropomorphistes, ou des gens qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs de la création, alors ça c'est la preuve de leur ignorance. Puisque on n'affirme rien à Allah subhanahu wa ta'ala excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé lui-même. Et donc quand on dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a une main, ou quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, ou quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, ou quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a des doigts, ou bien quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est élevé au-dessus de son trône, ou quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il descend au dernier des cieux pendant le dernier tiers de la nuit, hein, et qu'il demande qui va me demander pardon, ainsi de suite. Et donc ça c'est des exemples, hein, donc tout ça c'est des attributs et des noms que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné à lui-même, des attributs clairs qui sont mentionnés dans les textes de la révélation, dans le Coran et dans les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'ils nous accusent d'anthropomorphisme, ou s'ils nous accusent de mushabbiha, ou de tashbih, ou de tajsim, ou de tamthil, ou des choses de ce genre, parce qu'on affirme ce que Allah a dit, et parce qu'on affirme ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors ça c'est la preuve de leur ignorance et de leur égarement. Hein? Et donc ça c'est un exemple. Et parmi les exemples qu'on donne souvent, yani, parmi les exemples qu'on mentionne, c'est l'exemple de Al-Istiwa, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà de son trône. Hein, eux, quand on leur mentionne cet attribut-là, eux, ils vont dire par exemple, non mais l'istiwa, le mot istiwa en langue arabe, il signifie, ou il a plus que, yani, ils disent un nombre de significations que le mot peut avoir en langue arabe. Donc ils vont dire par exemple, ce mot-là, il peut avoir plus que 15 différentes significations. Hein, et ça, c'est encore une fois une de leurs shubuhat qu'ils utilisent pour faire égarer les gens ou pour tromper les gens. Ils vont dire, par exemple, oui, le mot peut avoir plus que 15 significations, donc on ne peut pas savoir réellement qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est, bien entendu, c'est absurde. Même en langue française, vous allez dans le dictionnaire, que ce soit le Petit Robert ou le Larousse, et vous allez voir que certains mots en langue française, ils peuvent avoir plusieurs significations, et vous allez voir dans le dictionnaire des différents numéros devant chacune de ces significations-là. Donc il y a la définition 1, 2, 3, 4, 5, hein, selon le nombre de définitions qu'il peut avoir pour un mot. Et donc dans un cas pareil, si on arrive, on cherche un mot en langue française et qu'on trouve plusieurs définitions, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la bonne? Est-ce qu'on dit, ah mais ça y est, il y en a plusieurs, donc ça veut dire que on peut pas savoir qu'est-ce que le mot signifie? Bien sûr que non. On va regarder dans les différentes définitions laquelle entre dans le contexte de ce qui est mentionné dans ce qu'on recherche, et ça va nous indiquer la signification de ce mot-là dans ce contexte en particulier. Et donc on peut pas prétendre que parce que un mot a plusieurs significations, ça veut dire qu'on peut pas connaître sa signification, on peut pas savoir ce qu'il veut dire réellement dans un contexte bien précis. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran qu'il est au-dessus de son trône, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, hein, qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, ça c'est très très clair dans la langue arabe quand on dit istawa ala shay, hein, quand on dit il s'est élevé et qu'on marque juste après ala, donc ça peut pas avoir d'autre signification que la signification de monter ou de s'élever au-dessus de quelque chose, comme les salafs l'ont expliqué. D'accord, ça fait partie de leur exemple. Et ils vont mentionner parfois d'autres shubuhat, mais tout ça c'est des shubuhat qu'ils utilisent pour essayer d'arriver à la conclusion de dire que nous on est des mumassila ou des mushabbiha, ou que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab était un mumassil ou un mushabbih. Mais si on leur demande, mais c'est quoi un mushabbih, mais c'est quoi un mumassil, on va voir qu'ils vont dire, ils vont répondre quelque chose qui prouve qu'ils ne connaissent pas la signification de ces choses-là. Alors moi, je vais vous dire maintenant la réalité de qu'est-ce que signifie le mot tashbih, ou de faire des ressemblances entre Allah et sa création. Ça consiste à dire que Allah il a une main et sa main est comme la main des êtres humains, ou de dire que Allah a un visage et que son visage est comme le visage des êtres humains, ou de dire que il y a une ressemblance entre Allah et sa création. Ça c'est tashbih. Et de faire le tashbih, c'est kufr. Celui qui dit qu'il y a une ressemblance entre Allah et sa création, et qui dit ma main et la main d'Allah, tous les deux sont pareils, ça c'est kufr billah, c'est un rejet de la foi. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait, et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est pas ce qu'il fait. De même que le Cheikh Ibn Taymiyyah et les autres imams des salafs, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, et l'imam Ahmad ibn Hanbal, et les autres imams, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont jamais prétendu qu'il y avait une ressemblance entre Allah et la création. Ils ont affirmé les attributs d'Allah tels quels. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé les attributs d'Allah tels quels, sans rentrer dans la philosophie des gens de bid'ah parmi les groupes qui ont dévié par la suite. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure, il dit « Walladhi nafsu Muhammadin biyadih » Oh, walladhi nafsi biyadih. C'est celui par lequel, je jure par celui qui tient mon âme en sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par la main, par celui qui tient son âme en sa main. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il tient l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa main, et il tient l'âme de chacun d'entre nous dans sa main. Donc, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croit que Allah a une main. Et il affirme la main. Quand il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme qu'Allah a une main. Hein? Donc, quelqu'un ne peut pas venir après puis dire non, Allah il n'a pas une main. Hein? Et si quelqu'un arrive puis dit non, la main ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la force. Eh bien, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a juré par la main d'Allah, est-ce qu'il a dit à chaque fois la main c'est pas la main, la main c'est la force? Il n'a jamais dit ça. Il a dit je jure par celui qui tient mon âme en sa main. Il s'est arrêté là. Et la même chose pour les salafs, hein, et les sahaba et les tabi'in, ils ont tous cru en les attributs d'Allah tels quels. Maintenant, quelqu'un ne peut pas venir après puis dire, non, la main, c'est pas la main, le visage, c'est pas le visage, l'istiwa, c'est pas l'istiwa, hein, un nuzul, c'est pas le nuzul, ainsi de suite. Donc, ils veulent jouer avec les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils s'imaginent, eux, dans leur tête, une main humaine, et ils pensent que c'est ça la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour éviter cette ressemblance qu'ils font dans leur tête, ils partent vers la négation. Ils penchent vers la négation et ils essaient de nier la tribu elle-même et de dire par la suite que si on affirme la main, ça implique une ressemblance. Et ça, c'est leur égarement et c'est leur ignorance, hein. Donc ça, c'est très dangereux. Donc on doit leur faire comprendre à ces gens-là que nous, on n'a jamais dit Allah a une main comme la main de la créature. Et on n'a jamais dit qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature, jamais. Dans aucune des attributs, dans aucun de ses noms, Allah n'a aucune ressemblance. Hein? Il n'y a rien qui lui ressemble. Mais, on ne va pas, nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces attributs-là sont utilisés chez les créatures, on ne va pas nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. Parce que même si moi j'ai une main, hein, et toi tu as une main, et toi tu as une main, et tout le monde, on a tous des mains, ça ne veut pas dire que notre main, elle peut être comparée à la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a une main, c'est sa main qui lui convient à lui, parce que ça convient à sa grandeur, à sa majesté, à sa perfection, tandis que nous on a une main qui nous convient à nous en tant que créature, en tant qu'être humain. Et donc, il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Donc, ces gens-là n'ont aucun moyen de prétendre qu'il y a une ressemblance. Et s'ils pensent que le fait d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait une ressemblance, alors c'est parce qu'ils n'ont rien compris à l'islam, ni à Allah, ni à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, on va revenir aux paroles du cheikh. Le cheikh, il dit ensuite que les ulama, les gens de ilm, ils ont expliqué ou ils ont une phrase qui exprime la réalité des gens d'égarement parmi les mu'attila et les mumassila. Les gens qui font le ta'til, qui nient les attributs d'Allah, et les gens qui font des ressemblances entre Allah et sa création. Ils disent, les ulama, que al-mu'attilu ya'budu adaman. C'est-à-dire, la personne qui nie les attributs d'Allah, il adore le néant. Ou al-mumassil, et la personne qui fait ressembler Allah à sa création, il adore une idole. Et le cheikh, il explique ça, il dit que cette signification-là, quand ils disent les ulama que le mumassil, il adore le néant, c'est parce que ils disent qu'Allah n'a pas de nom ni d'attribut. Et ce qui n'a pas de nom et ce qui n'a pas d'attribut, c'est quoi? C'est le néant. Si je te dis, décris-moi quelque chose qui n'a aucun attribut, tu vas décrire quoi? Tu peux rien décrire, parce que si quelque chose n'a pas de description ni d'attribut, c'est rien. Hein? La seule chose qui peut être décrite sans attribut et sans description, c'est rien, le néant. Hein? Donc, eux, quand ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils décrivent le néant. Hein? Ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala au néant. Et ça, c'est le danger du ta'til, c'est la négation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son existence. Donc, quand ils parlent d'Allah, ils disent, on n'a pas le droit de dire qu'Allah est en haut, ou qu'il est en bas, ou qu'il est devant, ou qu'il est derrière, ou qu'il est à gauche, ou qu'il est à droite, ou qu'il est à l'intérieur du monde, ou qu'il est à l'extérieur du monde. Donc, quand on leur demande dans ce cas-là, on dit, mais dans ce cas-là, vous êtes en train de décrire le néant. Parce que si tu voudrais décrire le néant, tu pourrais pas trouver une meilleure description du néant que cette description-là, qui n'est pas en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, ni en dehors du monde, ni à l'extérieur du monde, ni à l'intérieur non plus. Donc ça, c'est quoi ça? Hein? C'est le néant, ça n'existe pas. Hein? Et donc c'est pour ça que les ulama, ils ont dit que ces gens-là sont des gens qui veulent faire ressembler Allah au néant. Hein? Et ensuite, ceux qui font ressembler Allah à sa création, eux, ils adorent une idole. Pourquoi? Parce que ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs de la création, des attributs de l'être humain. Et donc, dans ce sens, ils adorent une idole. Et qu'est-ce qui est étonnant aussi de la part de ces gens de bid'ah qui nous accusent d'être des mumassila ou des mushabbiha, parce qu'on affirme que ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, eh bien, qu'est-ce qui est étonnant de leur part, c'est de voir que eux, quand ils parlent des awliya dans les soufiyas, dans les groupes des soufiyines, quand ils parlent de leurs saints et de leurs des rijal al-ghayb et des aqtab, et de Al-Rawf et Al-Qutb, ils donnent à ces êtres humains-là des attributs divins. Ils les décrivent avec des attributs et des qualités divines. Ils disent qu'ils connaissent l'invisible, ils disent qu'ils ont le contrôle sur les atomes de l'univers, ils disent qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent, en tout cas, des attributs qu'ils peuvent faire vivre les morts, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est qu'ils connaissent qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes. Donc tout ça, c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à des créatures. Et ça, c'est une forme de tashbih. Et eux, ils sont en train de nous accuser de tashbih, alors que nous, on n'a rien à voir avec ça. Hein? Et ça, c'est une méthode qu'ils utilisent encore une fois pour faire fuir les gens. Hein? Parce que quand on leur demande, qu'est-ce que vous avez à critiquer le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Est-ce qu'il a dit quelque chose contraire au Coran, ou contraire à la Sunna, ou contraire à la Aqidah d'Ahl-Sunna? eh ben ils sortent des arguments comme ça. Ah non, mais il faisait le tajsim. Ou bien, ah non, il fait partie des mujassima. J'avais un livre que les gens de Bid'a ont publié pour essayer de faire de la propagande contre la da'wa salafiyya. Et donc, ils parlent contre ceux qu'ils appellent les wahhabites. Et ils disent que le premier point qu'ils mentionnent, justement, contre les wahhabites, c'est le tashbih. Le premier point, c'est le tashbih. Et donc, ils disent l'assimilation d'Allah à ses créatures. Ils appellent ça l'anthropomorphisme. Ils disent que les wahhabites posent comme règle fondamentale qu'il faut prendre au premier sens dans les textes sacrés toutes les expressions équivoques au sujet du Créateur, hein, ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples de leur égarement là-dessus. Ils accusent des gens d'être des mushabbiha parce qu'on affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent les expressions comme istiwa, al-nuzul, al-wajh, al-yad, al-saq, ainsi de suite. Donc, ils disent que, et ils disent par exemple qu'il ne faut pas les affirmer tels quels, qu'il faut les prendre au sens symbolique, hein, et que ce n'est pas voulu réellement, dans leur sens réel. Donc, ils essaient de nier la réalité de ces attributs-là. Et souvent, qu'est-ce qu'ils disent quand on parle de istiwa, eux, ils sont tellement malhonnêtes, et au lieu de dire istiwa, que la réelle signification du mot istawa, ça veut dire s'élever, ça veut dire monter. Eux, quand ils le traduisent, ils disent s'asseoir. Hein? Sinon, les wahhabites, ils disent que Allah est assis sur le trône. Le mot en arabe pour dire asseoir, c'est jalasa. C'est pas du tout istawa. Et on retrouve pas dans le Coran, ni dans la sunna, le verbe jalasa utilisé par rapport à Allah. Donc pourquoi mentionner des choses qui n'ont pas été mentionnées? Pourquoi mentionner des choses qui n'ont pas été mentionnées dans la révélation à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc nous on utilise uniquement à propos d'Allah ce qui est mentionné dans les textes. Et ce qui n'est pas mentionné dans les textes, on ne l'utilise pas et on ne le mentionne pas à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le nie pas et on ne l'affirme pas. Hein, on se limite à ce qui est mentionné dans la révélation quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ça, c'est pour ce point-là. Ensuite, le cheikh il dit, ensuite il continue, il explique, il dit, wala ukayifu, wala umathilu sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi, li'annahu ta'ala la samiyya lahu wala kuf'a, wala kuf'a wala nidda lahu. ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. Le cheikh il dit, et je ne demande pas le commun, et je ne fais pas de ressemblance, hein, entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs de sa création, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de sami, et il n'a pas de kuf, et il n'a pas de nid. Et on ne peut pas faire d'analogie entre lui et sa création. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, et parce que Allah subhanahu wa ta'ala se connaît lui-même mieux que personne, et il connaît tout le monde, hein, mieux que personne également. Il nous connaît mieux que on se connaît nous-mêmes. Et c'est la personne, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus véridique en parole, et il est le meilleur en parole. Hein, sa parole c'est la meilleure et c'est la plus véridique. Donc on va lire maintenant l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan à la suite de cette parole ici. Donc le Cheikh il dit, bon, wala ukayifu wala umathilu sifatahu ta'ala bi sifati khalqihi, yani la a'lamu kayfiyataha ولا مثليتها، إنما هذا من علم الله جل وعلا، لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، ولا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فالمؤمنون يعلمون ربهم فالمؤمنون يعلمون ربهم وأنه هو ربهم وخالقهم ويعلمون وجوده وكماله ولكن لا يحيطون به علما وقوله ولا سمي له يعني لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة وليس معنى لا سمي له لا أحد يسمى باسمه ولكن لأنه يسمى المخلوق العزيز والملك ويسمى المخلوق بما يوافق اسم الخالق في الحروف والمعنى ولكن لا يوافقه في الكيفية فمعنى لا سمية يعني لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية أي لا أحد يساوي الله جل وعلا في أسمائه وصفاته دونك لشيخ الزيك الإمام محمد بن عبد الوهاب الزيدا cette partie-là, et je ne fais pas de takif, je ne dis pas le comment, ou je ne cherche pas le comment à propos d'Allah, et je ne fais pas de tamthil dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre Allah et sa création. C'est-à-dire, je ne connais pas le comment de ces attributs-là, et je ne cherche pas à faire de ressemblance entre Allah et sa création. Ça fait uniquement partie de la science d'Allah, c'est-à-dire c'est Allah seulement qui connaît le commun des attributs d'Allah. Personne ne connaît le commun des attributs d'Allah, excepté lui. Hein? Personne ne connaît comment Allah est en lui-même, et donc personne ne connaît comment sont ses attributs également. Hein? Et il mentionne le verset, « يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 110, dans surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a devant eux, et ce qu'il y a derrière eux, et eux, ils ne peuvent pas l'envelopper de leur science. Ils ne peuvent pas l'envelopper de leur science et de leur connaissance. Donc, les croyants, ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent que Allah est leur Seigneur, et ils savent que c'est leur Créateur, et ils savent qu'il existe, et ils savent qu'il est parfait. Mais ils ne peuvent pas envelopper Allah subhanahu wa ta'ala et disons comprendre complètement qui est Allah et comment il est. D'accord? Donc le cheikh il dit وَقَوْلُهُ لَا سَمِيَّ لَهُ ça veut dire لَا سَمِيَّ لَهُ ça veut dire il n'y a personne qui mérite de s'appeler par ses noms dans la réalité de ses noms. Il n'y a personne qui mérite la réalité de ses noms. لَا سَمِيَّ لَهُ il n'y a personne qui mérite la réalité de ce qu'implique ces noms. Sinon, le cheikh dit, ça ne veut pas dire que personne ne peut pas s'appeler par certains de ces noms. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont les titres ou les noms, certains noms qui sont parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple Al-Aziz. Hein? Dans le Coran, on voit que à l'époque de Pharaon, ils appelaient le roi ou le chef ou le dirigeant l'appelle Al-Aziz hein et on appelle aussi quelqu'un qui est au pouvoir on l'appelle le roi hein dans certains gouvernements le dirigeant c'est un roi et on l'appelle Al-Malik alors que un des noms d'Allah c'est Al-Malik hein et ainsi de suite donc ça c'est pour dire que certaines personnes peuvent avoir les mêmes noms que certains des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les termes, dans le mot qu'on utilise et dans la signification de ce mot-là, il y a une partie de la signification de ce que ça implique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, dans la réalité et dans le commun, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de ressemblance dans le commun et dans la réalité. D'accord? Et le cheikh dit donc que lorsqu'on dit que Allah il n'a pas de sami, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui mérite la réalité de son nom, de ses noms, hein, excepté lui. Comme Allah il dit dans le Coran, dans le verset 65, dans Surat Maryam, adorez-le donc, c'est-à-dire adorez Allah subhanahu wa ta'ala, et soyez ferme et endurant dans son adoration. Fastabir, wastabir, li'ibadatihi. Faites preuve d'endurance, hein, soyez ferme dans l'endurance et dans la patience, dans son adoration. Est-ce que vous lui connaissez un sami, c'est-à-dire est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est égal à Allah subhanahu wa ta'ala et qui mérite la réalité des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, bien sûr que non. Donc, c'est-à-dire qu'Allah, il n'y a personne qui lui est égal dans ses noms et dans ses attributs. Certains noms, parce qu'il y a des noms que des créatures ne peuvent pas prendre du tout, comme Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien Ar-Rahman, hein, ça c'est des noms spécifiques à Allah seul, d'accord. Et le Cheikh il dit, wa qawluhu, la kuf'a, d'accord. Donc ensuite, le Cheikh il dit, wa la kuf'a lahu, yani wa la kuf'a, qu'est-ce que ça veut dire, wa la kuf'a, ça veut dire, qu'à qawlihi ta'ala, on a lu ça. ولا كفأ قوله ولا كفأ يعني كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي لا أحد يكافيه سبحانه ويساوي جل وعلا. وقوله ولا ند له يعني الند هو المثيل أيضا. وجعلوا لله أندادا جمع ند وهو المثيل. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فالذين عبدوا الأصنام وجعلوها أندادا لله مشابهة له وإلا لماذا عبدوها. فالذين عبدوا الأصنام وجعلوها أندادا لله مشابهة له سبحانه وتعالى وإلا لماذا عبدوها معه. ولهذا يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعترفون أنهم سووهم برب العالمين في الدنيا فاستحقوا النار يوم القيامة من باب التحسر. قال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يسوون به غيره من المخلوقين. للشيخ الزي الله سبحانه وتعالى إن قد كفر. إيه الكفر؟ سفتير يعني يا personne qui lui est comparable ou égal. ولم يكن له كفوا أحد. الآية 4 من سورة الإخلاص. يا personne qui lui est égal. إيه ولا ند له. Al-Nid en arabe ça veut dire le semblable ou quelqu'un qui est pareil ou ressemblant. Donc il mentionne le verset qui dit dans le Coran وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ils ont donné à Allah des semblables. Et ça c'est le verset 30 dans Sourate Ibrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ils ont donné à Allah des semblables pour les égarer, hein, pour égarer les gens de son chemin. Dit réjouissez-vous parce que votre destination sera le feu. Donc ceux qui ont adoré les idoles et ils ont fait de ces idoles-là des égaux. Hein, donc ceux qui ont adoré les idoles, ils ont fait d'Allah, ils ont fait de ces idoles-là des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont fait de leurs idoles quelque chose qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, pourquoi ils ont adoré ces idoles-là avec Allah, sinon. Si ce n'était pas pour les faire mettre semblables, ou de faire d'eux des semblables avec Allah, pourquoi ils les ont adorés? Ils les ont fait ressembler à Allah dans le sens qu'ils les ont adorés comme on adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'au jour de la résurrection, les idolâtres, les mouchriquins, ils vont dire, par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque nous vous mettions à égalité, hein, ou que nous vous faisions ressembler à, ou nous vous mettions à égalité avec le Seigneur des mondes. Versets 97 et 98 dans Surah Al-Shu'ara. Donc ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont fait, ils ont mis leurs idoles et Allah, le Seigneur des mondes, ils les ont mis à égalité. Et ils ont mérité l'enfer au jour de la résurrection de cette façon-là. Et donc, ça c'est pour leur faire comprendre qu'ils sont, yani, ils vont périr et ils sont perdus ce jour-là. قال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون. Le verset 1 dans Surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les gens qui ont mécru, ils donnent à leur Seigneur des égaux. يعدلون, c'est-à-dire يسوون, c'est-à-dire ils mettent les créatures à égalité avec Allah quand ils les adorent. Ensuite, le Cheikh dit, وقوله ولا يقاس بخلقه. هو سبحانه لا يقاس بخلقه في أسمائه وصفاته. فالأسماء والصفات وإن كانت تشترك في اللفظ وجملة المعنى ولكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. Le Cheikh dit, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas faire de comparaison ou d'analogie entre lui et sa création, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui peut être comparé à Allah. On ne peut pas faire d'analogie entre lui et sa création dans ses noms et dans ses attributs, parce que les noms et les attributs sont, ont uniquement les termes et, et une partie de la signification en commun. Toutefois, elles sont totalement différentes dans la réalité et dans le commun de cette réalité-là. Ensuite, le Cheikh il dit, وقوله فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وهو أعلم بنفسه وأما غيره فلا يعلم عن الله إلا ما علمه الله جل وعلا والملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا والله جل وعلا يقول لنبيه قل ربي زدني علما والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم ويقول وما أتيتم من العلم وما أتيتم من العلم إلا قليلا فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأما غيره فلا يعلم حقيقة الله وكيفية الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله. Le Cheikh dit, et en ce qui concerne Allah, il se connaît mieux que quiconque, il se connaît mieux que quiconque, et il connaît également les créatures et les autres mieux que personne, mieux que quiconque. Donc, il se connaît mieux que quiconque, et il n'y a personne qui connaît Allah, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, même en général, il n'y a personne qui connaît quoi que ce soit, excepté que c'est Allah qui lui a donné cette science. Qu'il possède. Les anges disent à Allah, dans Surah Al-Baqarah, le verset 32, Allah, il mentionne les paroles des anges, gloire à toi, nous n'avons pas de connaissance, excepté ce que tu nous as donné comme connaissance, illa ma'allamtana. Et il mentionne également la parole qu'il a dit, par exemple, de dire, il l'a dit à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire, قل ربي زدني علما. Dis, oh mon Seigneur, augmente-moi en science, en connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 76 dans Surah Yusuf, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, et au-dessus de chaque personne qui détient de la science, il y a un savant, quelqu'un qui sait plus. Donc, il dit également, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, vous n'avez été, on ne vous a donné de la science que très peu de science, donc on ne connaît que très peu de choses réellement, donc c'est pour dire que يعني, il faut savoir que toute la science elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous on a de cette science là que très peu de choses. Et si Allah il dit à propos de l'âme, de l'être humain, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, on vous a uniquement donné que très peu de science à propos de notre âme, la chose qui est en nous-mêmes qui nous fait vivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance qu'on a de Allah, c'est encore pire. Et ensuite, le Cheikh il dit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il se connaît mieux que quiconque, et il connaît mieux toutes choses que quiconque. Et en ce qui concerne les créatures, elles ne connaissent pas la connaissance, elles ne connaissent pas la réalité d'Allah, ni le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui le connaît excepté Allah lui-même. Et ensuite, il explique la dernière partie, c'est wa qawluhu wa asdaqu qila wa ahsanu haditha kama fi al-Qur'an wa man asdaqu min Allah qila. ومن أصدق من الله حديثا لا أحد أحسن من الله ولا أصدق من الله والله قال في كتابه أنه سميع وأنه بصير وأنه حكيم وأنه عليم وأن له وجها وأن له يدين وقال هذا عن نفسه سبحانه وتعالى فهو أعلم بنفسه ثم يأتي هؤلاء المعطلة ويقولون هذا لا يليق بالله ما يليق بالله أن يقال له وجه ولا يقال له يد ولا يقال أن إنه سميع ولا بصير لأن هذه الصفات في الخلق موجودة وإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه Donc le cheikh il dit et il est le plus véridique dans sa parole et il est le meilleur dans sa parole, il a les meilleures paroles. Donc ça c'est tiré des versets dans le Coran, le verset 122 dans Surat An-Nisa, qui est meilleur qu'Allah et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Et dans l'autre verset, le verset 87 dans Surat An-Nisa, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Il y a personne qui a une meilleure parole qu'Allah, il y a personne qui est plus véridique qu'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre qu'il est audient, qu'il est voyant, qu'il est sage, qu'il est savant, qu'il a la science, qu'il a un visage et qu'il a deux mains. Et il dit, donc, tout ça c'est ce que Allah a dit à propos de lui-même, et il se connaît mieux que quiconque. Donc quelqu'un par la suite, parmi les mu'attilah, ne peut pas venir et puis dire « Ah non, ça convient pas à Allah, on peut pas dire ça à propos d'Allah, ça convient pas de dire qu'Allah a un visage, ou de dire qu'il a une main, ou de dire qu'il est audient, ou de dire qu'il est voyant, ainsi de suite. » Ils disent « On peut pas dire ça parce que ça c'est des attributs qui sont présents chez les créatures, et si on les affirme à Allah, ça implique une ressemblance entre Allah et sa création, et donc… » Bien entendu, ça c'est une fausse compréhension que ces gens-là. Ok, donc le cheikh il dit فَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَ بِهِ Donc le cheikh Mohamed Abdul Wahhab il continue, il dit فَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ مِنْ أَهْلِ التَّكْيِيفِ وَالتَّمْثِيلِ وَعَمَّا نَفَاهُ عَنْهُ النَّافُونَ مِنْ أَهْلِ التَّحْرِيفِ وَالتَّعْطِيلِ فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab il continue à expliquer sa aqidah au sujet des noms et des attributs d'Allah et il dit que Allah s'est purifié lui-même de ce que les gens qui ont contredit ont affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les gens qui ont fait le takif, qui rentrent dans le commun, qui font ressembler Allah à ses créations, et il s'est également purifié de ceux qui nient ses attributs, parmi les gens de Tahrif et de Ta'til, et il dit donc le verset 180 et 182, 180 à 182 dans Surat As-Safat, Allah il dit, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, de tout ce qu'il lui attribue, et paix sur les messagers, et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Le Cheikh, il explique, maintenant, Cheikh Fawzan, il explique ça, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, نزه سبحانه, نزه نفسه سبحانه وتعالى عن مذهب الطائفتين, مذهب الممثلة ومذهب المعطلة, وأثبت لنفسه الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى, ولهذا قال, سبحان الله عما يصفون وقال سبحان الله عما يشركون نزه نفسه عن ذلك. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié lui-même des deux groupes d'égarements, le groupe ou la voix des mumattila, ceux qui font des ressemblances entre Allah et sa création, et la voix des mu'attila, ceux qui nient ce que Allah s'est attribué comme nom et attribut parmi ses attributs de majesté, ainsi de suite. Et il mentionne le verset 159 dans Surat As-Safat, dans lequel Allah dit dans le verset 159 Subhanallah amma yasifun, que Allah soit purifié ou glorifié de ce qu'il lui attribue. Et également dans le verset 43 dans Surat At-Tur, Subhanallah amma yushrikun, que Allah soit purifié de ce qui lui associe. Donc il s'est purifié de ces deux choses-là. Et il dit, وهذا هو هذا هو المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي قال الشيخ رحمه الله أن إنه عقيدته ومعتقده. الشيخ dit ça c'est la voie de la vérité. C'est la voie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et c'est la voie que le Cheikh a décrit comme étant sa aqida et sa croyance. Donc, de nier ces deux extrêmes, de purifier Allah de ceux qui nient les attributs d'Allah, et de purifier Allah de ceux qui lui affirment les attributs de sa création, ou qui font des comparaisons entre les deux, entre Allah et sa création. قال تعالى سبحان ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه نفسه عما يصفه به أهل التعطيل وأهل التمثيل ثم قال وسلام على المرسلين سلم عليهم لسلامة ما قالوه في الله عز وجل لسلامته من العيب والنقص فالمرسلون وصفوا الله بما وصف به نفسه ولذلك سلم الله عليهم وختم الآية بقوله الحمد لله رب العالمين له الثناء كله والحمد كله لا يستحقه إلا هو سبحانه وتعالى فهل بعد هذا البيان يظن أحد أن الشيخ عنده شيء يخالف به أهل العلم كما يتهمه خصومه الجواب لا فهذه عقيدته واضحة نقية مما يرمونه به من الشبهات. Le Cheikh il dit que par la suite Allah, donc le Cheikh il mentionne le verset 180 et 182 dans Sourate Safat, 181, 182 dans Sourate Safat, dans lequel Allah il dit gloire ou que soit purifié ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, de tout ce que ces gens-là lui donne comme attribut, de ce qu'il lui attribue. Donc Allah il se purifie lui-même de ce que les gens de Ta'til et les gens de Tamthil, les gens qui nient les attributs et les gens qui font des ressemblances entre Allah et sa création, lui attribuent. Et il dit « Wassalamun ala al-mursalin » et paix sur les envoyés ou les messagers. Et donc ça c'est à cause du fait que ce que les messagers ont dit à propos d'Allah, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de bon. Hein? Donc étant donné que dans ce qu'ils ont dit, il n'y a aucune imperfection et aucun blâme, aucune défaillance, donc Allah il a envoyé la paix sur les messagers à cause de ça, parce que les messagers ont décrit Allah en le décrivant par ce qu'il s'est décrit lui-même. C'est pour ça qu'il leur envoie le salam. Et il a terminé le verset, les versets en disant « Louange à Allah le Seigneur des mondes » et ça là-dedans il y a la louange et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les louanges, toute la glorification que personne ne mérite excepté lui subhanahu wa ta'ala. Il dit après toute cette clarification au sujet des noms et des attributs, est-ce que quelqu'un peut venir par la suite et prétendre encore que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a contredit les savants de l'islam au sujet de sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses noms et ses attributs? La réponse est bien sûr que non. Parce que voici sa aqida, elle est claire et propre et pure. Hein? Et donc, tout ce que ces gens-là peuvent essayer de lancer comme shubuhat, eh bien, ça a été réfuté par le chef lui-même, justement, dans ses paroles, ici qu'on a lues ensemble. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, puis on continuera ça la semaine prochaine, samedi prochain, inshallah. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.